forme et le fond. Je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres. Yeah. Je pense que la vie serait fade sans rêve et qu'elle aurait ce petit goût amer à même d'avancer tout seul. J'essaie de qui je dois m'entourer pour porter mon linceul. Et si certains mots reviennent dans mes textes, c'est qu'à mes yeux ils sont tout aussi importants que le lever du soleil. J'espère que certains se rendront compte un peu plus tôt que lorsqu'on a vu l'homme creuser sa tombe. Un 16 pour parler de l'essentiel. Un homme ne pense plus par lui-même, sensation celle qui le guide, celle à qui il s'ouvre, celle qui lui verse tant de litres de sottise dans sa gourde, celle qui le monte de travers, celle qui le fait pleurer à la moindre galère. Mes sentiments naviguent sur encre et aucun orage ne pourra bouleverser ses mots tant. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Tout se base sur la forme, il oublie le fond. Je suis des sésames rares qui ont encore leur raison. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Trop se base sur la forme, il oublie le fond. Sans ma compréhension qui épuise mon fond. Tu sais pourquoi j'ai choisi Saphir comme blase? Car au fond j'ai l'impression d'être un peu bizarre. Avouer que l'on pleure serait une calomnie. Paraître fort tu vois c'est ainsi car l'homme nie. Pour moi c'est pas évident de me mentir. Alors je m'évade sur feuille pour tout retranscrire. Je te tends ce qu'il y a de plus vrai en moi. Et si tu veux parler de ressenti, j'en ai toute une armoire. Je ne sais pas si l'infini nous suffirait. En tête à tête avec les étoiles je supplierai que le temps s'arrête, que l'homme apprenne de ses erreurs passées et qu'il réfléchisse à ce qu'il s'apprête à faire. Certains ne verraient pas le monde sans force divine, sachant que Dieu détient le plus grand nombre de victimes. On lui en veut toujours un peu. On parle de celui que l'on ne verra qu'une fois aux cieux. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Tout se base sur la forme, il oublie le fond. Je suis des sésames rares qui ont encore leur raison. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Trop se base sur la forme, il oublie le fond. Sans ma compréhension qui épuise mon fond. Je redescends sur terre histoire de ne pas me perdre. J'y croirai une fois qu'en Afrique je verrai de l'eau claire. Que l'on ne mourra jamais ni de froid ni de faim. Que la femme sur nos écrans couvrira ses seins. Une fois qu'elle sera pudique et chaste, et qu'à la nuit de noces, elle consommera le fruit de son mariage. Je sais qu'il ne faut pas se leurrer, j'apprécie un monde parfait, qu'au style imagé. Au fond, j'ai quand même une lueur d'espoir. Après tout, c'est ce qui nous fait vivre avec nos rêves, n'est-ce pas? Et lorsque l'ineffable est au premier plan, je laisse un bif narrer mon roman. Brebis égaré, non, plutôt un loup solitaire. J'ai jamais suivi le troupeau seul, j'ai toujours été. On grandit mal car on ne connaît l'affection. Ne me dis pas que j'ai tort ou que j'ai preuve d'imagination qui est à l'origine de mon évolution. À part mes parents qui ont fait de moi ce putain de grand garçon, ce discours aura révélé ce que je suis. Une belle rose qui avance au milieu d'un millier d'épines. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Tout se base sur la forme, il oublie le fond. Je suis des sésames rares qui ont encore leur raison. La vie d'un homme proclame ce qu'il fait, mais ses discours révèlent ce qu'il est. Tout se base sur la forme, il oublie le fond. Sans ma compréhension qui épuise mon fond.